Le lendemain matin, qui fut bien sombre et pluvieux, les nains montèrent sur les longues perches plantées en guise de minaret et appelèrent à la prière. Toute la congrégation s'assembla. Soutlémémé, Chabanne, les quatre eunuques, quelques cigognes qui s'ennuyaient de la pêche et les deux enfants. Ceux-ci s'étaient traînés languissamment hors de leur cabane et, comme leurs esprits étaient montés sur un ton mélancolique et tendre, ils firent leur dévotion avec ferveur. Après cela, Gulchenrouz demanda à Soutlémémé et aux autres comme ils avaient fait de mourir si à propos pour eux. « Nous nous sommes tués de désespoir de votre mort, » répondit Soutlémémé. Nouronnihar, qui malgré tout ce qui s'était passé, n'avait pas oublié sa vision, s'écria « Et le calife serait-il mort de douleur? Viendra-t-il ici ?» Les nains avaient le mot et répondirent gravement « Vatek est damné sans retour. » « Je le crois bien, » s'écria Gulchenrouz, « et j'en suis charmé, car je pense que c'est son horrible yad qui nous a envoyés ici manger du riz et entendre des sermons. » Une semaine s'écoula à peu près de la même manière sur les bords du lac. Nouronnihar pensait aux grandeurs que son ennuyeuse mort lui avait fait perdre, et Gulchenrouz faisait des paniers de joncs avec les nains qui lui plaisaient infiniment. Pendant que cette scène d'innocence se passait au sein des montagnes, le calife en donnait une autre chez l'émir. Il n'eut pas plutôt repris l'usage de ses sens qu'avec une voix qui fit tressaillir Baba Balouk, il s'écria « Perfide Djaour, c'est toi qui as tué ma chère Nouronnihar. Je renonce à toi et demande pardon à Mahomet. Il me l'aurait conservé si j'avais été plus sage. Allons, qu'on me donne de l'eau pour faire mes ablutions et que le bon Fakreddin vienne ici pour que je me réconcilie avec lui et que nous fassions la prière. Après cela, nous irons ensemble visiter le sépulcre de l'infortuné Nouronnihar. Je veux me faire ermite et passer mes jours sur cette montagne pour expier mes crimes. » « Et que mangerez-vous là ?» lui dit Baba Balouk. « Je n'en sais rien, » repartit Vatek. « Je te le dirai quand j'aurai appétit, ce qui ne m'arrivera, je crois, de longtemps. » L'arrivée de Fakreddin interrompit cette conversation. Dès que Vatek le vit, il lui sauta au col et le baigna de ses larmes, en lui disant des choses si pieuses que l'émir en pleurait de joie et se félicitait tout bas de l'admirable conversion qu'il venait d'opérer. On comprend qu'il n'osait pas s'opposer au pèlerinage de la montagne. Ils se mirent donc chacun dans leur litière et partirent. Malgré l'attention avec laquelle on veillait sur le calife, on ne put empêcher qu'il ne se fît quelques égratignures sur le lieu où l'on disait que Nouronnihar était enterré. L'on eut grand-peine à l'en arracher, et il jura solennellement qu'il y reviendrait tous les jours, ce qui ne plut pas trop à Fakreddin, mais il se flattait que le calife ne se hasarderait pas plus avant et qu'il se contenterait de faire ses prières dans la caverne de Meïmouné. D'ailleurs, le lac était si caché dans les rochers qu'il ne croyait pas possible de le trouver. Cette sécurité de l'émir était augmentée par la conduite de Vatek. Il tenait bien exactement sa résolution et revenait à la montagne si dévot et si contrit que tous les barbons en étaient en extase. Nouronnihar, de son côté, n'était pas tout à fait aussi contente. Quoiqu'elle aimât Gulchenrouz et qu'on la laissât libre avec lui afin d'augmenter sa tendresse, elle le regardait comme un joujou, qui n'empêchait pas que l'escarboucle de Djamchid ne fût très désirable. Elle avait même quelquefois des doutes sur son état et ne pouvait pas comprendre que les morts eussent tous les besoins et les fantaisies des vivants. Un matin, pour s'en éclaircir, elle se leva doucement d'auprès de Gulchenrouz pendant que tout dormait encore, et après lui avoir donné un baiser, elle suivit le bord du lac et vit qu'il se dégorgeait sous un rocher dont la cime ne lui parut pas inaccessible. Aussitôt, elle y grimpa du mieux qu'elle put, et voyant le ciel à découvert, elle se mit à courir comme une biche qui fuit le chasseur. Quoiqu'elle sautât avec la légèreté de l'antilope, elle fut pourtant obligée de s'asseoir sur quelques tamaris pour reprendre haleine. Elle y faisait ses petites réflexions et croyait reconnaître le lieu, quand tout à coup Vatek se présenta à sa vue. Ce prince, inquiet et agité, avait devancé l'aurore. Lorsqu'il vit Nouronnihar, il resta immobile. Il n'osait approcher de cette figure tremblante et pâle, mais pourtant encore charmante à voir. Enfin, Nouronnihar, d'un air moitié content et moitié affligé, leva ses beaux yeux sur lui et lui dit « Seigneur, Vous venez donc manger du riz avec moi et entendre des sermons ?»« Ombre chérie, s'écria Vatek, vous parlez ? Vous avez toujours la même forme élégante, le même regard rayonnant. Seriez-vous aussi palpable ?» En disant ces mots, il l'embrasse de toute sa force, en répétant sans cesse « Mais voici de la chair, elle est animée d'une douce chaleur. Que veut dire ce prodige ?» Noronha répondit modestement « Vous savez, Seigneur, que je mourus la nuit même où vous m'honorâtes de votre visite. Mon cousin dit que ce fut d'une de vos œillades, mais je n'en crois rien. Elles ne me parurent pas si terribles. Gulchenrouz mourut avec moi, et nous fûmes tous les deux transportés dans un pays bien triste, et où l'on fait très maigre chair. Si vous êtes mort aussi et que vous veniez nous rejoindre, je vous plains, car vous serez étourdis par les nains et les cigognes. D'ailleurs, il est fâcheux pour vous et pour moi d'avoir perdu les trésors du palais souterrain qui nous étaient promis. » À ce nom de palais souterrain, le calife suspendit ses caresses, qui avaient déjà été assez loin, pour se faire expliquer ce que Nourognar voulait dire. Alors elle lui raconta sa vision, ce qu'il avait suivi, et l'histoire de sa prétendue mort. Elle lui dépeignait le lieu d'expiation d'où elle s'était échappée, d'une manière qui l'aurait fait rire, s'il n'avait pas été très sérieusement occupé. Elle n'eut pas plus tôt cessé de parler que Vatek, la reprenant dans ses bras, lui dit « Allons, lumière de mes yeux, tout est dévoilé. Nous sommes tous deux pleins de vie. Votre père est un fripon qui nous a trompés pour nous séparer. Et le Djaour, qui, à ce que je comprends, veut nous faire voyager ensemble, ne vaut guère mieux. Ce ne sera pas du moins de longtemps qu'il nous tiendra dans son palais de feu. J'attache plus de valeur à votre belle personne qu'à tous les trésors des sultans préadamites. Et je veux la posséder à mon aise et en plein air, pendant bien des lunes, avant que d'aller m'enfouir sous terre. Oubliez ce petit sot de Gulchenrouz et... Ah, Seigneur, ne lui faites point de mal, interrompit Nourognar. « Non, non, reprit Vatek, je vous ai déjà dit de ne rien craindre pour lui. Il est trop pétri de lait et de sucre pour que j'en sois jaloux. Nous le laisserons avec les nains, qui, par parenthèse, sont mes anciennes connaissances. C'est une compagnie qui lui convient mieux que la vôtre. Au reste, je ne retournerai plus chez votre père. Je ne veux pas l'entendre, lui et ses barbons. Me criez aux oreilles que je viole les lois de l'hospitalité. » Comme si ce n'était pas un plus grand honneur pour vous d'épouser le souverain du monde qu'une petite fille habillée en garçon. » Nourognar n'eut garde de désapprouver un discours aussi éloquent. Elle aurait seulement voulu que l'amoureux monarque eût marqué un peu plus d'ardeur pour l'escarboucle de Djamchid, mais elle pensa que cela viendrait en son temps et demeura d'accord de tout avec la soumission la plus engageante. Quand le calife le jugea à propos, il appela Baba Balouk, qui dormait dans la caverne de Meimouné, et rêvait que le fantôme de Nourognar l'avait remis sur l'escarpolette et lui donnait un tel branle que tantôt il planait au-dessus des montagnes et tantôt touchait aux abîmes. À la voix de son maître, il s'éveilla en sursaut, courut tout essoufflé et pensa tomber à la renverse lorsqu'il crut voir le spectre auquel il venait de rêver. « Ah, Seigneur » s'écria-t-il en reculant de 10 pas et mettant sa main devant ses yeux. Est-ce que vous déterrez les morts? Faites-vous aussi le métier de goule? Mais n'espérez pas de manger cette Nourognar. Après ce qu'elle m'a fait souffrir, elle sera assez méchante pour vous manger vous-même. Cesse de faire l'imbécile, dit Vatek. Tu seras bientôt convaincu que celle que je tiens dans mes bras est Nourognar, bien fraîche et très vivante. Va faire dresser mes tentes dans une vallée que j'ai remarquée ici près. Je veux y fixer mon habitation avec cette belle tulipe dont je ranimerai les couleurs. Fais en sorte de nous pourvoir de tout ce qu'il faut pour mener une vie voluptueuse jusqu'à nouvel ordre. » Les nouvelles d'un incident aussi fâcheux parvinrent bientôt aux oreilles de l'émir. Au désespoir de ce que son stratagème n'avait pas réussi, il s'abandonna à la douleur et se barbouilla dûment le visage avec de la cendre. Ses fidèles barbons en firent autant, et son palais tomba dans un affreux désordre. Tout était négligé. On ne recevait plus les voyageurs, on ne faisait plus d'emplâtre, et à la place de l'activité charitable qui régnait dans cet asile, ceux qui l'habitaient n'y montraient plus que des visages d'une coudée de long. Ce n'était que gémissements et barbouillages. Cependant, Gulchenrouz était resté pétrifié en ne trouvant plus sa cousine. Les nains n'étaient pas moins surpris que lui. Soute les mémés seuls, plus fine que tous, soupçonna d'abord ce qui était arrivé. On amusa Gulchenrouz avec la belle espérance qu'elle retrouverait Nourouniar dans quelque endroit des montagnes, où la terre jonchée de fleurs d'orange et de jasmin offrirait des lits plus agréables que ceux des cabanes, où l'on chanterait au son des luttes, et où l'on irait à la chasse aux papillons. Soute les mémés était dans le fort de ses descriptions quand un des quatre nuques la tira à part, lui éclaircit l'histoire de la fuite de Nourouniar et lui remit les ordres de l'émir. Aussitôt, elle tint conseil avec Chaban et les nains. On plia bagage, on se mit dans une chaloupe et on vogua tranquillement. Gulchenrouz s'accommodait de tout, mais lorsqu'on arriva à l'endroit où le lac se perdait sous la voûte du rocher, que la barque y fut entrée et que Gulchenrouz se vit dans une parfaite obscurité, il fut saisi d'une peur horrible et jeta des cris perçants, car il croyait qu'on allait le damner entièrement pour avoir fait trop le vivant avec sa cousine. Pendant ce temps, le calife et celle qui régnait sur son cœur filaient des jours heureux. Baba Balouk avait fait dresser les tentes et fermer les deux entrées de la vallée avec des paravents magnifiques, doublés de toiles des Indes et gardés par des esclaves éthiopiens le sabre à la main. Pour maintenir le gazon de cette belle enceinte dans une fraîcheur perpétuelle, des eunuques ne cessaient d'en faire le tour avec des arrosoirs de vermeil. L'air, auprès du pavillon impérial, était sans cesse agité par le mouvement des éventails. Un jour tendre qui passait au travers des mousselines éclairait ce lieu de volupté, et le calife y jouissait en plein des charmes de Nourouniar. Enivré de délices, il écoutait avec transport sa belle voix et les accords de son luth. De son côté, elle était ravie d'entendre les descriptions qu'il lui faisait de Samara et de sa tour remplie de merveilles. Elle se plaisait surtout à lui faire répéter l'aventure de la boule et celle de la crevasse où le Djaour se tenait auprès du portail d'ébène. Le jour s'écoulait dans ses entretiens, et la nuit ses amants se baignaient ensemble dans un grand bassin de marbre noir qui relevait admirablement la blancheur de Nourouniar. Baba Balouk, chez qui cette belle était rentrée en grâce, prenait soin que leur repas fût servi avec la plus grande délicatesse. C'était toujours quelque mets nouveau, et il fit chercher à Shiraz un vin pétillant et délicieux, encavé avant la naissance de Mahomet. On cuisait dans de petits fours pratiqués dans le roc des pains au lait que Nourouniar pétrissait de ses mains délicates, ce qui leur donnait une saveur si forte au gré de Vatek qu'il en oubliait tous les ragoûts que ses autres femmes lui avaient faits. Aussi ces pauvres délaissés se mouraient-elles de chagrin chez l'émir. La sultane Dilara, qui jusqu'alors avait été la favorite, prenait cette négligence à cœur avec une énergie qui était dans son caractère. Dans le cours de sa faveur, elle avait été imbue des idées extravagantes de Vatek et brûlait de voir les tombeaux d'Istakar et le palais des 40 colonnes. Élevée d'ailleurs parmi les mages, elle se réjouissait de voir le calife prêt à s'adonner au culte du feu. Ainsi, la vie voluptueuse et fainéante qu'il menait avec sa rivale l'affligeait doublement. La piété passagère de Vatek lui avait donné de vives alarmes. Ceci était pire encore. Elle prit donc le parti d'écrire à la princesse Karatis, pour lui apprendre que tout allait mal, qu'on avait manqué net aux conditions du parchemin, qu'on avait mangé, couché et fait vacarme chez un vieil émir dont la sainteté était fort redoutable, et qu'enfin il n'y avait plus d'apparence qu'on n'eût jamais les trésors des sultans pré-adamites. Cette lettre fut confiée à deux bûcherons qui coupaient du bois dans une des grandes forêts de la montagne et qui, connaissant les routes les plus courtes, arrivèrent dans 10 jours à Samara. La princesse Karatis jouait aux échecs avec Morakanabad quand les messagers arrivèrent. Depuis quelques semaines, elle avait abandonné les hautes régions de sa tour parce que tout lui semblait en confusion parmi les astres lorsqu'elle les consultait pour son fils. Elle avait beau répéter ses fumigations et s'étendre sur les toits dans l'espérance d'avoir des visions mystiques, elle ne rêvait que pièces de brocart, bouquets et autres niaiseries pareilles. Tout cela l'avait jetée dans un abattement dont toutes les drogues qu'elle composait ne pouvaient pas la retirer. Et sa dernière ressource était Morakanabad, bonhomme, plein d'une honnête confiance, mais qui, dans sa compagnie, ne se trouvait pas sur des roses. Comme personne ne savait des nouvelles de Vatek, mille histoires ridicules se répandaient sur son compte. On conçoit donc avec quelle vivacité Karatis décacheta la lettre et quelle fut sa rage lorsqu'elle apprit la lâche conduite de son fils. « Ah ! Dit-elle, je périrai où il pénétrera dans le palais du feu, que je meure dans les flammes, et que Vatek règne sur le trône de Suleyman. » En parlant ainsi, elle fit la pirouette d'une manière si magique et si effroyable que Morakanabad en recula de terreur. Elle commanda de préparer son grand chameau Al-Boufaki et de faire venir la hideuse Nerkès et l'impitoyable Kafour. « Je ne veux d'autre train, » dit-elle au vizir. « Je vais pour affaires pressantes, ainsi trêve de parade. Vous aurez soin du peuple. Plumez-le bien dans mon absence, car nous dépensons beaucoup et on ne sait pas ce qui arrivera. » La nuit était très noire, et il soufflait de la plaine de Catoul un vent malsain qui aurait rebuté tout voyageur, quelque pressé qu'il eût pu être. Mais Karatis se plaisait beaucoup à tout ce qui était funeste. Nerkès en pensait autant, et Kafour avait un goût particulier pour les pestilences. Au matin, cette gentille caravane, guidée par les deux bûcherons, s'arrêta sur les bords d'un grand marais d'où s'exhalait une vapeur mortelle qui aurait tué tout autre animal qu'Al-Boufaki, qui, naturellement, pompait avec plaisir ses malignes odeurs. Les paysans supplièrent les dames de ne pas dormir dans ce lieu. « Dormir ? » s'écria Karatis. « La belle idée ! Je ne dors jamais que pour avoir des visions. Et quant à mes suivantes, elles ont trop d'occupation pour fermer le seul œil qu'elles ont. » Les pauvres gens, qui commençaient à ne pas trop se plaire dans cette compagnie, restèrent la gueule béante. Karatis mit pied à terre, aussi bien que les négresses qu'elle avait en croupe, et toutes s'étant mises en chemise et en caleçon, elles coururent à l'ardeur du soleil pour cueillir les herbes vénéneuses dont il y avait foison le long du marécage. Cette provision était destinée pour la famille de l'émir et pour tous ceux qui pouvaient apporter le moindre empêchement au voyage d'Istakhar. Les bûcherons mouraient de peur en voyant courir ces trois horribles fantômes et ne goûtaient pas trop la société d'Al-Boufaki. Ce fut bien pire lorsque Karatis leur ordonna de se mettre en route, quoiqu'il fût midi, et qu'il fit une chaleur à calciner les pierres. Malgré tout ce qu'ils purent dire, il fallut obéir. Al-Boufaki, qui aimait beaucoup la solitude, reniflait quand il apercevait la moindre habitation, et Karatis, le gâtant à sa manière, se détournait tout de suite. Il arriva de là que les paysans ne purent pas prendre la moindre nourriture sur la route. Les chèvres et les brebis, que la Providence semblait leur envoyer, et dont le lait aurait pu les rafraîchir un peu, s'enfuyaient à la vue du hideux animal et de son étrange charge. Pour Karatis, elle n'avait nul besoin de ces aliments communs, ayant inventé depuis longtemps un opiat qui lui suffisait et dont elle faisait part à ses chères muettes. À la nuit tombante, Al-Boufaki s'arrêta tout court et frappa du pied. Karatis connaissait ses allures et comprit qu'il devait être dans le voisinage d'un cimetière. En effet, la lune jetait une pâle lueur qui lui fit bientôt entrevoir une longue muraille et une porte à demi ouverte et si élevée qu'elle pouvait y faire passer Al-Boufaki. Les misérables guides qui touchaient à l'extrémité de leur jour prièrent alors humblement Karatis de les enterrer, puisqu'elle en avait la commodité, et rendirent l'âme. Nerkès et Kafour plaisantèrent à leur manière sur la sottise de ces gens, trouvèrent l'aspect du cimetière fort à leur gré, et les sépulcres bien réjouissants. Il y en avait au moins 2000 sur la pente d'une colline. Karatis, trop occupé de ses grandes vues pour s'arrêter à ce spectacle, quelque charmant qu'il fût à ses yeux, s'avisa de tirer parti de sa situation. Assurément, se disait-elle, un si beau cimetière est hanté par les goules. Cette espèce ne manque pas d'intelligence. Comme j'ai laissé mourir mes bêtes de guide faute d'attention, je demanderai mon chemin aux goules, et pour les amorcer, je les inviterai à se régaler de ces corps frais. Après ce sage monologue, elle parla des doigts à Nerkès et à Kafour, leur disant d'aller frapper au tombeau, et d'y faire entendre leur joli ramage. Les négresses, toutes joyeuses de cet ordre, et qui se promettaient beaucoup de plaisir dans la compagnie des goules, partirent avec un air de conquête et se mirent à faire toc-toc contre les sépulcres. À mesure qu'elles frappaient, on entendait un bruit sourd dans la terre. Les sables se remuaient et les goules, attirées par la fraîcheur des nouveaux cadavres, sortaient de toutes parts avec le nez en l'air. Tous se rendirent devant un cercueil de marbre blanc où Karati s'était assise entre les deux corps de ses malheureux conducteurs. Cette princesse reçut son monde avec une politesse distinguée et après avoir soupé, on parla d'affaires. Elle apprit bientôt ce qu'elle désirait savoir et sans perdre de temps voulut se remettre en marche. Les négresses qui avaient commencé des liaisons de cœur avec les goules la supplièrent de tous leurs doigts d'attendre au moins jusqu'à l'aurore. Mais Karatis, qui était la vertu même et ennemi juré des amours et de la mollesse, rejeta leurs prières et montant sur Alboufaki, leur ordonna de s'y placer au plus vite. Pendant 4 jours et 4 nuits, elle continua son voyage sans s'arrêter. Le 5e, elle traversa des montagnes et des forêts à demi brûlées et arriva le 6e devant les beaux paravents qui dérobaient à tous les yeux les voluptueux égarements de son fils. C'était la pointe du jour. Les gardes ronflaient dans leur poste en pleine sécurité. Le grand trot d'Alboufaki les réveilla en sursaut. Ils crurent voir des spectres sortis du noir abîme et s'enfuirent sans autre cérémonie. Batek était au bain avec Nourouniar. Il écoutait des contes et se moquait de Baba Balouk qui les faisait. Alarmé par les cris de ses gardes, il sauta hors de l'eau. Mais il y rentra bien vite lorsqu'il vit paraître Karatis. Elle avançait avec ses négresses et toujours montait sur Alboufaki et mettait en pièces les mousselines et les fines portières du pavillon. À cette apparition subite, Nourouniar, qui n'était pas toujours sans remords, crut que le moment de la vengeance céleste était arrivé et se colla amoureusement contre le calife. Alors Karatis, sans descendre de son chameau et écumant de rage au spectacle qui s'offrait à sa chaste vue, éclata sans ménagement. « Monstre à deux têtes et à quatre jambes » s'écria-t-elle. « Que signifie tout ce bel entortillage ? N'as-tu pas honte d'empoigner ce tendron au lieu des sceptres des sultans préadamites ? C'est donc pour cette gueuse que tu as follement manqué aux conditions du djaour ? C'est avec elle que tu consommes des moments précieux ? Est-ce là le fruit que tu retires des belles connaissances que je t'ai données ? Est-ce ici le but de ton voyage ? Arrache-toi des bras de cette petite niaise, noie-la dans l'eau et suis-moi. » Dans son premier mouvement de fureur, Batek avait envie d'éventrer Alboufaki et de le farcir des négresses et même de Karatis. Mais les idées du djaour, du palais d'Istakar, des sabres et des talismans frappèrent son esprit avec la rapidité d'un éclair. Il dit donc à sa mère, d'un ton civil, quoique résolu, « Redoutable dame, vous serez obéie. Mais je ne noierai pas Nourouniar. Elle est plus douce que le mirabolant confit. Elle aime beaucoup les escarboucles et surtout celle de Djamchid qu'on lui a promise. Elle viendra avec nous, car je prétends qu'elle couche sur les canapés de Souleyman. Je ne puis plus dormir sans elle. » « À la bonne heure, » répondit Karatis, en descendant d'Alboufaki, qu'elle remit entre les mains des négresses. Nourouniar, qui n'avait pas lâché prise, se rassura un peu et dit tendrement au calife « Cher souverain de mon cœur, je vous suivrai, s'il le faut, jusqu'au-delà de Kaf dans le pays des Afrites. Je ne craindrai pas de grimper pour vous au nid de la Simorgue, qui, après madame, est l'être le plus respectable qui ait été créé. » « Voilà, » dit Karatis, « une jeune fille qui a du courage et des connaissances. » Nourouniar en avait assurément. Mais malgré toute sa fermeté, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser quelquefois aux grâces de son petit Gulchenrouz et aux journées de tendresse qu'elle avait passées avec lui. Quelques larmes mouillèrent ses yeux et n'échappèrent pas au calife. Elle dit même tout haut et par inadvertance « Hélas, mon doux cousin, que deviendrez-vous ? » À ces mots, Batek fronça le sourcil et Karatis s'écria « Que signifient ces grimaces ? Qu'a-t-elle dit ?» Le calife répondit « Elle donne mal à propos un soupir à un petit garçon, aux yeux langoureux et aux douces tresses qu'il aimait. Où est-il ? » repartit Karatis. « Il faut que je fasse connaissance avec ce joli enfant. » Car, poursuivit-elle tout bas, j'ai dessein, avant que de partir, de me remettre en grâce avec le Djaour. Il n'y aura rien de plus appétissant pour lui que le cœur d'un enfant délicat, qui s'abandonne aux premières impulsions de l'amour. » Matek, en sortant du bain, donna ordre à Baba Balouk de rassembler ses troupes, ses femmes et les autres meubles de son sérail, et de tout préparer pour partir dans 3 jours. Quant à Karatis, elle sortira seule dans une tente où le Djaour l'amusa avec des visions encourageantes. À son réveil, elle vit à ses pieds Narkès et Kafour, qui, par leurs signes, lui apprirent qu'ayant amené Al-Boufaki au bord d'un petit lac pour y brouter une mousse grise passablement vénéneuse, elles avaient vu des poissons bleuâtres comme ceux du réservoir au haut de la tour de Samara. « Ah ah ! » dit-elle, « je veux aller sur les lieux à l'instant même. Au moyen d'une petite opération, je pourrai rendre ces poissons oraculaires. Ils m'éclairciront beaucoup de choses et m'apprendront où est-ce Gulchenrouz que je veux absolument immoler. » Aussitôt, elle partit avec son noir cortège. Comme on va vite dans les mauvaises entreprises, Karatis et ses négresses ne tardèrent pas d'arriver au lac. Elles brûlèrent des drogues magiques dont elles étaient toujours munies, et s'étant déshabillées toutes nues, elles entrèrent dans l'eau jusqu'au col. Narkès et Kafour secouèrent des torches enflammées, tandis que Karatis prononçait des mots barbares. Alors, tous les poissons mirent la tête hors de l'eau, qu'ils agitaient fortement avec leurs nageoires, et contraints par la puissance du charme, ils ouvrirent des bouches pitoyables et dirent tous à la fois « Nous vous sommes dévoués depuis la tête jusqu'à la queue. Que voulez-vous de nous ?»« Poisson, dit Karatis, je vous conjure par vos brillantes écailles de me dire où est le petit Gulchenrouz. » « De l'autre côté de ce rocher, madame, répondirent tous les poissons en chœur. Êtes-vous contente ?»« Nous ne le sommes pas du tout, de tenir ainsi la bouche ouverte au grand air. » « Oui, repartit la princesse, je vois bien que vous n'êtes pas accoutumée à de longs discours. Je vous laisserai en repos, quoique j'aurai bien d'autres questions à vous faire. » Sur cela, l'eau devint calme et les poissons disparurent. Karatis, rempli du venin de ses projets, escalada tout de suite le rocher et vit sous une feuillée l'aimable Gulchenrouz qui dormait, tandis que les deux nains veillaient auprès de lui et marmottaient leurs oraisons. Ces petits personnages avaient le don de deviner quand quelque ennemi des bons musulmans approchait. Ils sentirent donc venir Karatis, qui, s'arrêtant tout court, se disait à elle-même « Comme il penche mollement sa petite tête, c'est précisément l'enfant qu'il me faut. » Les nains interrompirent ces belles réflexions en se jetant sur elle et en les gratignant de toute leur force. Narkès et Kafour prirent aussitôt la défense de leur maîtresse et pincèrent les nains si fortement qu'ils en rendirent l'âme en priant Mahomet de faire tomber sa vengeance sur cette méchante femme et sur toute sa famille. Au bruit que cet étrange combat faisait dans le vallon, Gulchenrouz s'éveilla, fit un furieux bond, grimpa sur un figuier et, gagnant la cime du rocher, courut sans perdre haleine. Enfin, il tomba comme mort entre les bras d'un bon vieux génie qui chérissait les enfants et s'occupait entièrement à les protéger. Ce génie, faisant sa ronde dans les airs, avait fondu sur le cruel Djaour lorsqu'il grommelait dans son horrible fente et lui avait enlevé les 50 petits garçons que Batek avait eu l'impiété de lui sacrifier. Il éduquait ces intéressantes créatures dans des nids élevés au-dessus des nuages et habitait lui-même un nid plus grand que tous les autres ensemble dont il avait chassé les rocs qu'il avait construits. Ces sûrs asiles étaient défendus contre les dives et les afrites par des banderoles flottantes sur lesquelles étaient écrits, en caractères d'or brillant comme l'éclair, les noms d'Allah et du prophète. Alors Gulchenrouz, qui n'était pas encore désabusé sur sa prétendue mort, se crut dans les demeures d'une paix éternelle. Il s'abandonnait sans crainte aux caresses de ses petits amis. Tous se rassemblaient dans le nid du vénérable génie et, à l'envi l'un de l'autre, baisaient le front uni et les belles paupières de leurs nouveaux camarades. C'est là où, éloigné des tracasseries de la terre, de l'impertinence des harems, de la brutalité des eunuques et de l'inconstance des femmes, il trouva sa véritable place. Heureux, ainsi que ses compagnons, les jours, les mois, les années s'écoulèrent dans cette société paisible, car le génie, au lieu de combler ses pupilles de périssables richesses et de vaines connaissances, les gratifiait du don d'une perpétuelle enfance. Caratis, peu accoutumé à voir échapper sa proie, se mit dans une colère épouvantable contre les négresses, qu'elle accusait de n'avoir pas saisi l'enfant tout de suite, et de s'être amusée à pincer jusqu'à la mort de petits nains qui ne signifiaient rien. Elle revint dans la vallée en murmurant, et trouvant que son fils n'était pas encore levé d'auprès de sa belle, elle passa sa mauvaise humeur sur lui et sur Nourognard. Toutefois, elle se consola par l'idée de partir le lendemain pour Istakhar, et de faire connaissance avec Eblis même au moyen des bons offices du Djaour. Mais le destin en avait ordonné autrement. Sur le soir, comme cette princesse entretenait avec Dilara, qu'elle avait fait venir et qui était fort de son goût, Baba Balouk vint lui dire que le ciel paraissait fort embrasé du côté de Samara et semblait annoncer quelque chose de funeste. Sur le champ, elle prit ses astrolabes et ses instruments magiques, mesura la hauteur des planètes, fit ses calculs et vit, à son grand déplaisir, qu'il y avait une révolte formidable à Samara, que Mota Bekel, profitant de l'horreur qu'inspirait son frère, avait soulevé le peuple, s'était emparé du palais et faisait le siège de la grande tour où Morakanabad s'était retiré avec un petit nombre de ceux qui restaient encore fidèles. « Quoi ? » s'écria-t-elle. « Je perdrai ma tour, mes muets, mes négresses, mes momies, et surtout mon cabinet d'expérience qui m'a coûté tant de veilles, et cela sans savoir si mon étourdi de fils viendra à bout de son aventure ? Non, je n'en serai pas la dupe. Je pars dans l'instant pour secourir Morakanabad par mon art redoutable et faire pleuvoir sur les conspirateurs des clous et des ferrailles ardentes. J'ouvrirai mes magasins de serpents et de torpèdes qui sont sous les grandes voûtes de la tour et que la faim a rendu enragé, et nous verrons si l'on tiendra compte de tels assaillants. » En parlant ainsi, Caratis courut à son fils qui banquetait tranquillement avec Nourognard dans son beau pavillon incarnat. « Goulux que tu es !» lui dit-elle. « Sans ma vigilance, tu ne serais bientôt que le commandeur des tourtes. Tes croyants ont renié la foi qu'ils t'avaient jurée. Mot avec elle, ton frère, règne dans ce moment sur la colline des Chevaux-Pies. Et si je n'avais pas quelques petites ressources dans notre tour, il ne lâcherait prise de sitôt. Mais afin de ne pas perdre du temps, je ne te dirai que quatre mots. Plie tes tentes, pars ce soir même et ne t'arrête nulle part à Balivernée. Quoique tu aies manqué aux conditions du parchemin, il me reste encore quelques espérances, car il faut avouer que tu as fort joliment violé les lois de l'hospitalité en séduisant la fille de l'émir, après avoir mangé de son sel et de son pain. Ces sortes de manières ne peuvent que plaire au Djaour. Et si tu fais en route encore quelques petits crimes, tout ira bien, et tu entreras en triomphe dans le palais de Suleyman. Adieu. Al-Boufakim et Négresse m'attendent à la porte. » Le calife n'eut pas le mot à répondre à tout cela. Il souhaita un bon voyage à sa mère et finit son souper. À minuit, il décampa au bruit des fanfares et des trompettes, mais on avait beau timbaler, on ne pouvait s'empêcher d'entendre les cris de l'émir et de ses barbons, qui, à force de pleurer, étaient devenus aveugles et n'avaient pas un poil de reste. Nourognard, à qui cette musique faisait de la peine, fut fort aise quand elle ne fut plus portée de l'ouïr. Elle était avec le calife dans la litière impériale, et ils s'amusaient à se représenter toutes les magnificences dont ils devaient être bientôt entourés. Les autres femmes se tenaient bien tristement dans leur cage, et Dilara prenait patience en pensant qu'elle allait célébrer les rites du feu sur les augustes terrasses d'Istakhar.